Yeah. Je suis la poisse, celle qui porte les coups bas, celle qui te hait. Alors que tu ne sais même pas pourquoi, parfois je rabaisse, je délaisse, je vous baise, à l'aise, vous ne pouvez rien contre moi. Si je veux d'un coup de tête, je vous sèche, si t'es chanceux. Je suis là pour enlever ce que t'aimes le mieux. Rien à foutre, pas de quartier, rien à foutre, pas de pitié. J'arrive pour tout dévaster. Prendre ta femme, prendre ton bif, pour un rien, je gagne ta mise. Je suis la poisse, mon ami, je ne préviens pas. Je ne plaisante pas, je ne pardonne pas. Arrivé, je ne repars pas, je ne préviens pas. Je ne plaisante pas, je ne pardonne pas. Arrivé, je ne repars pas. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, car par un cabois c'est la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, car par un cabois c'est la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance. Je suis la chance, une fois que tu rentres dans ma danse, je te promets une belle enfance en effaçant la souffrance. Je peux faire tomber de l'argent à outrance, stopper cette douleur qui transe, offrir une chatte à un trans. Y'en a beaucoup qui comptent sur moi, mais ils ont toujours pas compris que j'agissais au hasard. Tard, tard, c'est moi qui t'évite le mi. Tard, tard, c'est moi l'ami des bourgeois. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, car par un cabois c'est la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, car par un cabois c'est la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, car par un cabois c'est la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance. Notre pays ne cultive pas la différence. En France, qu'apparente la poisse et la chance. Notre pays cultive la souffrance. En France, nos frères plongent dans la malchance.